prononciation, exercice 14. Opposition se, ch. Écoutez. Comment réagissent vos chers parents? Ils savent que ma chambre sera vide. Distinguez les sons se et ch que vous entendez. Ils savent que ça marchera. Ils pensent que c'est mieux comme ça, chacun chez soi. Ils sont choqués. Ils savent que je me sentirai mieux chez moi.